Pour des remorques fiables, robustes et de qualité, Remorque 2000 est la place qu'il faut visiter. Nous fabriquons des remorques de tous les styles, que ce soit l'utilitaire, le cargo ou le gooseneck. Nous avons la remorque que vous cherchez, même s'il faut la fabriquer. Nous sommes distributeurs exclusifs de la marque MaxiRoule. Remorque 2000, une entreprise 100% régionale. 643 Dequin d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5343. Remorque2000.com. Le propriétaire, M. Daniel Deschaines, souhaite la meilleure des chances aux organisateurs du Festival du Bleuet et invite la population à y participer en grand nombre. Les Bleuets Fortin du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le Bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le Bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. C'est extrêmement tranquille dans le monde du sport ce matin. On va quand même mentionner que c'était la transition vers le deuxième bloc au Jeux du Québec qui se déroule actuellement à Thetford Mines. Et après le premier bloc, l'équipe du Saint-Luc-Saint-Jean se retrouve quand même avec un total de 10 médailles. C'est quand même un petit peu décevant puisqu'on visait une trentaine de médailles au début des Jeux. Peut-être que les athlètes de Saint-Luc-Saint-Jean auront la chance de se reprendre au deuxième bloc. Donc, jusqu'à maintenant, les athlètes de Saint-Luc-Saint-Jean ont une médaille d'or, 6 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Et c'est l'équipe de la capitale nationale qui est en tête avec 48 médailles, dont 17 médailles d'or. Au soccer, maintenant. Donc, il y avait quand même des matchs hier et les filles ont perdu 3-2 contre le Centre du Québec. Et au niveau des gars, les gars ont subi une correction hier de 6-0. Contre l'Estrie. Donc, le deuxième bloc va débuter aujourd'hui à Thetford Mines. On va parler maintenant de la Ligue de balle molle de Robertval. Il y avait des parties qui étaient au programme hier. Donc, notez que le Garma a défait Mégavac 7-6, Saint-Hubert 14, Intersport 12 et le Zodiac a défait facilement les pièces de Tour-Roussel 19-2. Et après quelques années d'absence, le football senior va être de retour dans la région. Il y aura une conférence de presse à Ville-Saguenay ce matin pour annoncer le retour de cette ligue qui a cessé ses activités il y a quelques années. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on s'est entretenu avec plusieurs intervenants du monde du sport. D'abord, évidemment, René Frigon qui est à Thetford Mines qui nous parlait des résultats des athlètes des Jeux du Québec. Hier, c'est également la date limite des échanges dans le baseball. Bruno Boudreau vient nous faire son analyse des échanges. Et vous pouvez également écouter le plus grand partisan de l'histoire des Expos, Perry G, qui a rencontré en fin de semaine Robert Manfred à Cooperstown dans le cadre, évidemment, de l'intronisation au Temple de la renommée de Vladimir Guerrero. Et vous pouvez également entendre la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Roger Caron. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.